France Info fait sa rentrée scolaire en direct d'Angers. Où on retrouve Bernard Thomasson et ses invités. La rentrée des classes, d'ailleurs, Claude, s'est plutôt bien passée ici à Angers. C'est ce que nous disait il y a une heure le maire de la ville, Frédéric Béatz. Pour les 12 millions d'élèves, c'est donc l'heure de la première séparation familiale pour les plus petits, de la découverte du collège pour les un peu plus grands. Et déjà des questions que l'on se pose pour savoir ce que l'on fera de sa vie pour les plus âgés, ceux du secondaire et les profs. Pour les profs, c'est quoi une rentrée? J'en ai plusieurs autour de moi à cette table ici au lycée David d'Angers. Philippe Lebas, Anne Donval, bonjour. Bonjour. On m'a dit, vous étiez, alors on vous a présenté à moi comme étant des profs expérimentés. Ça veut dire quoi? Vous êtes depuis plusieurs années, c'est ça? Pour ma part, oui, je fais ma 19e rentrée. 19e rentrée. J'ai fait à peu près 15 ans au collège et ensuite 3-4 années au. Et pour vous, Philippe Lebas? Bien, ça fait la 20e année, je crois, aussi. Ah oui, donc vous êtes... Donc vous 17 êtes... en collège et 2 en lycée. Alors, c'est quoi une rentrée? Ça représente quoi, la rentrée, pour vous? C'est le moment principal de l'année ou pas ou... Bon, c'est comme faire un peu de radio, c'est un peu de stress. Toujours? Pour vous? Pour moi? Oui, pour mais moi. Mais non, ça ne se sent pas. Pour vous, sans doute. C'est vrai? Et puis de la joie en même temps. Oui, c'est la joie, les deux. C'est des bons moments parce qu'on découvre les élèves, on est plein d'entrain, une nouvelle année démarre, on a hâte de rencontrer nos élèves et puis on a bien préparé normalement nos cours. Donc c'est vrai qu'on a hâte de rencontrer nos élèves. Alors un peu stressé, oui, quand même. Mais heureux de faire ce métier. Oui. Ah oui, absolument, je ne vois pas ce que je préfère d'autre. Parce qu'on entend parfois dire que certains profs ils vont à reculons, que les classes sont devenues parfois un enfer. Alors c'est peut-être pas le cas ici à Angers, mais... Moi, pour ma part, je vais au travail avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur. Je pose la question aussi à la personne qui est à côté de vous, Sylvie Juel, bonjour. Bonjour. Vous êtes stagiaire, donc vous avez fait des remplacements au coup par coup de différents profs avant d'être titularisé cette année, voilà, c'est ça? Absolument, parce que moi j'étais contractuelle, donc ça voulait dire à chaque fin d'année, je ne savais pas où j'allais me retrouver à la rentrée suivante, que parfois je pouvais faire juste quelques mois, voire quelques semaines simplement, donc avec des classes qui variaient, ça changeait. Enfin, le public changeait énormément. Je pouvais partir du collège, retrouver un lycée, revenir en collège. Donc c'était... Mais heureuse quand même, c'est malgré ces conditions. Oui, c'est vous aussi vous êtes une prof difficile. Heureuse. Oui, bien sûr, c'était difficile. Mais moi, si j'ai continué, si j'ai persévéré, si j'ai passé le concours et que je l'ai eu, c'était justement parce que le métier me plaisait. Et la première rentrée en tant que titulaire, le stress aussi comme... Le stress, oui. Et puis je crois que ça nous accompagne tout au long, puisqu'on travaille avec des matériaux vivants, les élèves qui changent. Mais c'est aussi un grand bonheur. Emmanuel David-Enkoff, c'est quoi le métier d'enseignant? Bon, moi, je ne sais pas s'il faut dire le métier d'enseignant ou les métiers d'enseignant, mais peut-être que les professeurs ici présents auront une réponse. Parce qu'entre le fait d'enseigner en maternelle à des tout-petits qui viennent d'arriver et le fait d'enseigner dans un lycée comme David d'Angers à des candidats au baccalauréat S qui parfois visent de la mention très bien, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. C'est probablement pas exactement la même chose non plus en lycée général ou en lycée professionnel ou également en lycée technologique. Alors derrière, il y a la question, est-ce qu'il y a des gestes communs? C'est toute la question qui se pose quand on se met à parler de la formation et aussi du statut des enseignants. Côté formation, les IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres, quand ils avaient été créés, ont un petit peu buté là-dessus. Ils ont fait le pari que, oui, il y avait des points communs dans le professorat du premier et du second degré, qu'on pouvait mettre tout le monde ensemble. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, pour dire les choses sans langue de bois. On va essayer de recréer quelque chose, a dit Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale. Mais rien que dans l'intitulé qu'il donne, on sent déjà cette ambiguïté, parce qu'il parle d'école supérieure, du professorat et de l'éducation. Et là, si vous rentrez dans les débats qui peuvent agiter les salles des professeurs, vous allez débat sémantique, autour notamment du mot éducation. Versus le mot instruction. Alors du côté professorat, on est plutôt du côté de l'enseignement au sens académique classique du terme, du côté éducation. On se dit qu'il faut prendre en considération peut-être d'autres choses. Et ça entraîne encore, parmi d'autres, une autre discussion sur la définition même du travail des enseignants et du métier d'enseignant. Aujourd'hui, les obligations qui sont dues se définissent en termes de temps de service. C'est un temps devant les élèves. C'est-à-dire qu'on dit, quand on a un CAPES, on doit faire 18 heures devant les élèves. Il est bien évident que les professeurs, toutes les études le confirment, travaillent bien plus de 18 heures par semaine, parce qu'il faut préparer les cours, etc. Mais c'est la définition. Donc tout ce qui vient à côté, ne serait-ce qu'une réunion pour se voir ensemble, pour faire du travail d'équipe, je ne parle même pas d'emmener des élèves en voyage, parce que ça c'est du temps plein, 20 heures sur 24, voire 25 sur 24, tout ça n'est pas vraiment pris en considération, donc on s'en remet à la bonne volonté de chacun. Elle est immense. Ce qui est très frappant, je rebondis sur votre réaction sur la rentrée, ceci dit, c'est quand on demande individuellement à des enseignants est-ce qu'ils sont contents de faire le métier qu'ils font, la réponse est quasiment toujours extrêmement favorable, y compris dans les lieux les plus difficiles. Alors ça, c'est pour la réponse individuelle d'enseignants. Je vais poser la question avec un regard un peu plus collectif, peut-être, puisqu'on a deux syndicalistes parmi nous qui sont aussi des profs, d'ailleurs. Hein, Daniel Lemoel, bonjour, et Joël Cogny du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur. Heureux aussi d'être prof, même si les syndicats dénoncent parfois les conditions d'être prof. Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Hein, Joël Cogny. Joël Cogny, voilà. Si le métier, par certains côtés, est difficile, il reste vraiment une sorte de bonheur, comme ça a été dit. C'est un plaisir de retrouver les élèves, de découvrir donc une nouvelle classe. Ceci dit, la charge de travail est de plus en plus importante et surtout elle n'est pas visible. C'est-à-dire que c'est ce que disait Emmanuel, il faut préparer en amont, c'est tout ce qui est préparation des cours, en effet, hein, c'est calculé sur à peu près une heure et demie en plus sur une heure de classe, donc ça nous fait deux heures et demie de travail, on va dire, pour en tout avec l'heure de cours. Mais là, on a des charges en plus qui arrivent, comme le cahier de texte numérique. Comme le livret personnel de compétences. Donc ça, ce sont des choses qu'on est obligé de remplir en dehors du cours. Et on est un petit peu en train d'externaliser notre travail en ramenant de plus en plus de travail à la maison. Donc les nouveaux enseignants qui arrivent sont tous pleins de bonne volonté, malgré une formation difficile, qui ne les prépare pas suffisamment à rentrer dans le métier. On va demander aux profs, là, justement, à l'expérimenter, vous qui avez une palette d'une vingtaine d'années derrière vous, cette charge de travail qui s'accumule, les cahiers de texte numériques, etc., le livret de compétences, c'est une vraie charge ? Pour ma part, je n'ai jamais autant travaillé maintenant que... voilà. C'est-à-dire que plus années avancent... On travaille plus. Voilà, plus années avancent, plus on travaille. Parce qu'en fait, aussi, on se pose toujours des questions sur comment on enseigne, donc ces cours ne sont jamais prêts, donc il faut toujours se remettre en question. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis après, il y a d'autres choses qui apparaissent. Donc on rentre chez soi, on remplit le cahier de texte numérique, on corrige des copies. Enfin, il y a toujours plus. Et vous plus. N'êtes pas payé en plus pour ça? Non, voilà. Enfin, ça fait partie, ça fait partie du lot, quoi. Mais vous semblez l'accepter de manière un peu fataliste Oui, bah oui, parce que finalement, on doit le faire, donc on le fait, hein, quelque part. Et puis, c'est utile pour les élèves, donc, parce qu'ils vont le voir. C'est des traces. Emmanuel. Est-ce que le lien aux élèves a changé, notamment avec le numérique? Certains de vos collègues disent, donc d'abord, le temps change, puisqu'effectivement, on peut recevoir des messages des élèves à 22h, à 23h, ça ne se faisait pas avant. Et on arrive dans des horaires où parfois, les problèmes familiaux, les problèmes personnels que rencontrent les élèves peuvent débarquer chez nous. Vous vivez ça ou pas avec le numérique? Non, parce que je ne consulterai pas ce genre de message à 22h ou 23h. Sinon, c'est... Mais vous mettez des barrières, quoi. Oui, je mets des barrières. Ouais. Je pense pas que ça pénètre partout, tout le temps, parce que sans quoi, on vivra plus. Oui, moi, je pense aussi. Je pense aussi qu'on peut. C'est à nous aussi de gérer ça. Le contrat doit être très clair avec les élèves. Le numérique permet d'échanger très facilement. On le fait d'ailleurs, hein, par exemple, pour des devoirs, etc. Et c'est très facile, c'est très rapide, c'est très pratique aussi pour l'enseignant, même si c'est un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus pratique. Mais en revanche, la règle doit être claire. À partir de telle heure, le devoir ne peut plus être envoyé. Sinon, c'est une incursion dans la vie privée de chaque côté, d'ailleurs. Daniel Lemoel, est-ce qu'il faut modifier le métier? Est-ce qu'il faut revoir les statuts, les fonctions de l'enseignant, si on revient sur la définition de l'enseignant? Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à revoir. Il y a aussi, en matière de formation par rapport au numérique, énormément de nos collègues n'ont pas été formés. On les laisse se former sur le tas, c'est vraiment le cas de le dire. Et là, effectivement, je réponds pas tout à fait à la question, mais je pense que c'est important de mettre ça en avant. Mais je crois que dans certains établissements, je sais pas si c'est le cas ici, on posera la question au proviseur, il y a des tableaux numériques, enfin des tableaux blancs, et certains profs, alors il y a des tableaux qui sont là, mais les profs ne savent pas s'en servir, quoi. Très souvent, on retrouve cette problématique. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. De plus en plus, le numérique intervient dans la vie de l'enseignant, sans qu'il y ait de formation, sans rien derrière. Et effectivement, on trouve des collègues qui se retrouvent avec un matériel très très cher, et qui n'ont pas eu de formation particulière, et qui l'utilisent soit pas du tout, soit très mal, ou très en deçà des possibilités que offre ce matériel. Emmanuel ? Ce qui est un point dont on parle extrêmement rarement dans le débat, c'est pour ça que je tiens à le souligner, cette question de la formation continue. continue des enseignants. On parle toujours de la formation initiale en disant, mon Dieu, c'est terrible, ils vont arriver devant leur première classe sans avoir rien appris. Au fond, et je pense que ce serait pareil si je vous interrogeais, si on interrogeait les enseignants ici, je veux dire, oui, bah, la première classe, la première année, même avec une formation, c'est jamais tout à fait simple. Et effectivement, en principe, ça simplifie. Mais la formation même avec continue, les UFM, la formation continue, elle est littéralement sinistrée. Bernard, le mot n'est pas de moi, il est de l'inspection générale de l'éducation nationale. Sinistrée, la formation continue. Donc ça veut dire, voilà, vous avez 20 ans d'expérience l'un comme l'autre, il vous reste encore 15 ou 20 ans. Si vous n'avez pas la bonne volonté, si vous, vous ne le faites pas, ce n'est pas le système qui va vous l'imposer. Est-ce que c'est une profession qui attire toujours, Daniel Lemoyle? Parce qu'elle a une image, je disais tout à l'heure, qui n'est pas toujours forcément très bonne. Les salaires sont un peu à la dérive, le prestige est perdu, le respect de l'élève s'est amoindri. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de problèmes. C'est une profession qui attire toujours. La preuve, les collègues qui sont présents, qui disent adorer leur rentrée. Et effectivement, on est tous dans le même cas. Oui, vous êtes du SNES départemental, donc vous n'êtes pas de l'établissement ici. Je précisais mes collègues. Y compris les nouveaux arrivants sont toujours très heureux, même s'il y a une difficulté de prise en charge au départ, puisqu'il y a effectivement difficulté au niveau de la formation. Mais on retrouve cette envie d'enseigner. Et je pense qu'il n'y a pas du tout une crise de vocation. Il y a plutôt effectivement un problème qui se pose sur la non-visibilité de l'offre au concours, de choses comme ça. On parlait de voilà, tout à fait. Si... Plan pluriannuel de recrutement. Merci. Plan pluriannuel de recrutement qui permettrait donc à des futurs profs de voir un petit peu à long terme et pas d'être cantonné au lendemain. C'est une question de nombre de profs parce que les ministères de l'éducation nous disent depuis plusieurs années, il y a le nombre suffisant, mais on l'a réduit ces dernières années. C'est une question de répartition, de réorganisation, etc. Alors, Joël Cogny. Oui, je ne pense pas que le nombre soit suffisant quand on est maintenant dans de nombreuses classes obligées de faire cours à 35, voire plus quand il y a des arrivages en cours d'année d'élèves. Donc ça, c'est en lycée. Quand en collège, on atteint maintenant des chiffres sur l'académie, hein, enfin, même sur le département, de 28-29 élèves par classe. Comment est-ce qu'on peut faire correctement nos cours? Et en plus, après, par exemple, pour les groupes de langue, on se retrouve avec des groupes encore plus chargés. Combien vous avez d'élèves, par exemple, dans vos classes, 35, Philippe Lebas? 35, ouais, à peu près. Ouais, c'est beaucoup. Vous ne savez pas encore? Si. 31, parce que c'est votre 34, première rentrée statutaire. Le rapport à l'élève, ça m'intéresse aussi d'avoir votre regard, parce que j'ai le tweet d'un auditeur en direct qui nous dit « Jean, j'ai le sentiment, dit-il, que l'école cherche de plus en plus de douceur dans la méthode, donc dans le rapport avec les élèves, etc., alors qu'on est dans un monde de plus en plus violent. Comment vous vivez ce rapport avec l'élève? Parce que c'est quand même le principe, enfin c'est le fondement de l'école. » Bon, je pense que ça a quand même pas mal changé après 68. Personnellement, moi, j'y retrouve mon compte, puisque les élèves, effectivement, sont peut-être plus proches de nous, on est plus proches d'eux, mais on sait quand même garder une certaine distance et ça pose moins de problèmes. Et si eux ont des problèmes, ils n'hésitent plus trop à nous en parler. C'est sûr qu'on n'est plus tout à fait le maître et puis l'élève en bas, quoi. On instaure un climat de confiance, je crois, le respect, la confiance et le dialogue, en fait. En 20 ans, ils ont beaucoup changé, les élèves, Anne Duval, Norval. Au niveau de l'attention. On ne fait plus de cours, enfin, c'est plus non plus dans l'air du temps. On fait des petites séquences, des petites activités. Et ils n'ont pas la concentration comme il y a quelques années. Ils zappent un peu. Voilà. Bah oui, c'est parce que c'est à cause des Twitter et ça permet d'avoir quelques auditeurs en ligne. Des démarches. Oui, les élèves et Constance et Maëlle, qui sont élèves ici, qui témoignaient à 10h15 au début de cette séquence, le disaient très bien. Ils ne demandent pas spécialement de la gentillesse, du laxisme, etc. Ils demandent effectivement pas d'injustice. Ça tourne beaucoup autour de la notion de justice ou d'injustice. Et surtout, Constance avait cette phrase merveilleuse à destination des enseignants, donnez-nous envie d'apprendre. Merci Daniel Lemoyle, Joël Cogny du SNES départemental, Philippe Lebas, Donval et Sylvie Juel, prof ici à ce lycée qui nous accueille, David Danger.